Don Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 11 mai 2017. Voici les grands titres de cette édition. L'abbé Adolphe Ndereye, qui prestait à la paroisse Gatumba en commune Mutimbozi, n'est plus de ce monde. Il est mort hier des suites des traitements que lui ont infligés ses ravisseurs pendant des semaines. Alors qu'une loi portant des taxations de certains produits importés sur tous les vivres est déjà là depuis fin avril, les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper. L'opinion se demande pourquoi il n'y a toujours pas de texte d'application de cette loi qui préciserait ces produits. Entre-temps, au ministère du Commerce et celui des Finances, c'est le silence média. Le 11 mai de chaque année, ceux qui aiment le style musical reggae se souviennent de la mort du chanteur jamaïcain Bob Marley. On parlera de lui dans ce journal mis en onde par Jean Dodieu Ndaïseng. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour, le vice-président chinois Li Yuachong, qui est arrivé à Bujumbura mercredi pour une visite de 3 jours. À son arrivée, il a eu une entrevue avec le premier vice-président de la République, Gaston Sindimo. Il doit rencontrer cet après-midi le président de la République, accompagné par le deuxième vice-président de la République, Joseph Boutoré. Cet avant-midi, Li Yuachong a visité l'école technique professionnelle de Kigobe ainsi que l'école d'excellence de Mirango en construction. C'est dans la zone de Kamenge. Précisons que toutes ces infrastructures sont financées par la Chine et que la visite du vice-président chinois se termine demain. Je vous l'avais dit, l'abbé Adolphe Ndereye de la paroisse Gatumba en commune Mutimbozi a rendu son âme dans la nuit de ce mercredi à jeudi. Il avait été hospitalisé après 17 jours qu'il venait de passer dans la main des ravisseurs qu'il avait kidnappé à Gatumba le 9 avril. Il est donc mort cette nuit des suites des mauvais traitements subis et qui auraient aggravé son état de santé déjà fragile et son âge avancé. Pour rappel, ses ravisseurs l'avaient relâché mercredi 26 avril en secteur Vugizo de la commune Mutimbozi, à la frontière avec la République démocratique du Congo. Isanganiro. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité grimpent du jour au jour. Certains commerçants et consommateurs que la radio Isanganiro a rencontrés au petit marché du centre-ville de Bujumbura, dit le grenier, demandent la mise en application de la loi portant détaxation de certains produits de première nécessité récemment promulguée par le chef de l'État. On fait le point avec Évariste Nzikolanyanga. Les prix du riz et du haricot, les denrées les plus consommées, grimpent du jour le jour. Le riz de la variété tanzanienne est vendu à 2700 francs le kilo, tandis que celui dénommé Mozambique s'achète à 2000 francs le kilo. Le haricot dit Kinure s'achète à 1700 francs le kilo. Kirundo s'achète à 1400 francs le kilo, tandis que le haricot jaune devenu rare s'achète à 1800 francs le kilo. Cette commerçante détaillant rencontrée au petit marché, le grenier, explique la raison de cette flambée des prix. Quand nous nous approvisionnons chez les grossistes, nous trouvons qu'il y a une hausse des prix. Mais au lieu de rester sans rien faire, nous acceptons de donner cet argent demandé. Les clients viennent un à un. Il y a ceux qui baissent la tête après avoir entendu le prix et ils partent sans rien acheter. Les consommateurs disent être dépassés. Cette femme qui venait s'approvisionner au petit marché Le Grenier indique que la farine du manioc coûte énormément cher ces derniers jours. D'accord, je suis en train d'acheter. Mais vraiment aujourd'hui, les marchandises sont très chères. Et cela est dû à la hausse des prix. Aujourd'hui, un produit peut être à tel prix. Demain, ce n'est plus le même prix que tu trouves. Un kilo de farine de manioc coûtait 1600 francs. Mais aujourd'hui, il est vendu 1900 francs. Nous demandons la réduction de ces prix. La pomme de terre est vendue à un prix exorbitant, fait savoir cette commerçante. Nous avons des problèmes liés à la carence des carburants. Le prix des pommes de terre s'élève du jour le jour. Un kilo de pommes de terre de la variété dite Ibirundi se vend à 1 100 francs burundais. Celui de la variété dite Ruhengeli, nous les vendons à 1 200 francs. Cette flambée des prix et des denrées de première nécessité est ainsi au moment où, depuis le 27 avril, le chef de l'État a promulgué une loi pour important des taxations des produits de première nécessité en provenance de l'extérieur pour parier à la carence de vivres dans le pays. Une loi qui n'a pas encore été mise en application. Les consommateurs et commerçants lancent un cri d'alarme. C'est vrai, au départ, nous nous sommes réjouis de cette loi. Nous demandons au ministère de mettre en application cette loi. Nous demandons la mise en application de cette loi parce que nous avons entendu parler de ça, mais jusqu'à présent, nous attendons sa mise en application. Nous avons aussi des familles et quand nous vendons les produits à un prix cher, nous les achetons aussi rarement. C'est ça la vie. Les ministères du Commerce et de l'Industrie et des Finances n'ont pas encore rendu officielle la liste de ces marchandises concernées par cette loi qui expire le 27 juillet de l'année en cours. Merci Évariste. À l'Office burundais des recettes au BR, l'on indique que la loi portant des taxations des produits vivriers provenant des pays de l'EAC ne leur est pas encore parvenue. On explique que toute loi qui leur est transmise est suivie d'une vulgarisation et exécution immédiate. Ce qui est connu jusqu'ici est que cette loi portant détaxation de ces produits alimentaires a été promulguée par la présidence de la République en date du 27 avril dernier. Leur porte-parole adjoint à la présidence de la République, Alain Diomède Nzeimana, a confirmé que la loi en question a été transmise au ministère du Commerce après sa signature. La rédaction Isanganiro cherche toujours à joindre le ministère du Commerce et des Finances pour connaître les produits concernés par cette loi, mais sans succès. Précisons que cette loi est valide jusqu'au 27 juillet. Et puisque l'on parle de l'OBR, sachez que plus de 500 cas de fraude ont été enregistrés depuis le début de cette année en province Muyinga. Le commissaire général de l'Office burundais des recettes en réunion à Kobero avec différents chefs de service engagés dans la lutte contre la fraude affirme que plus de 132 millions de francs burundais sont rentrés dans les caisses de l'État suite aux saisies de janvier à avril. Cet office compte renforcer le civisme fiscal pour lutter contre la fraude. Nous reviendrons sur les lamentations des commerçants qui importent des produits depuis la République démocratique du Congo, puisqu'ils sont obligés de payer des taxes aussi bien à la commune de Mutimbuzi que à l'Office burundais des recettes. Mais avant cela, nous allons à Gitega pour vous dire que le secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi demande au gouvernement de leur donner l'autorisation de stocker à Gitega toutes les aides venues de l'extérieur dans le but de les distribuer facilement aux nécessiteux à travers tout le pays. Il l'a dit ce mercredi lors de la pose de la première pierre pour la construction d'un entrepôt national de la Croix-Rouge. Le président de la Croix-Rouge à Gitega indique que les aides devraient augmenter vu le nombre de nécessités qui ne cessent de croître. De Gitega, nous appelons notre correspondant Arthur Kavabushi. Le secrétaire général de la Croix-Rouge Burundi, Anselme Katiunguruza, a demandé à l'État de leur donner la permission de collecter les aides venant de l'extérieur à Gitega destinées aux nécessiteux se trouvant dans tout le pays. Il a demandé cela en montrant qu'il leur est difficile de collecter toutes ces aides à Bujumbura pour après les distribuer aux nécessiteux à l'intérieur du pays. Il a fait savoir que Gitega étant le centre, ça faciliterait la distribution à travers tout le pays. Le secrétaire général de la Croix-Rouge de Burundi a ensuite posé la première brique pour la construction d'un bâtiment qui va servir d'entrepôt national de la Croix-Rouge sur la colline Zégué, qui va abriter toutes les aides venues de l'extérieur du pays. Quant au président de la Croix-Rouge à Gitega, Jean-Bertima Ndaïziga, a indiqué qu'ils ont donné une aide constituée de pagne à 40 femmes incarcérées à la prison centrale de Gitega et qu'ils ont ouvert 150 fontaines d'eau dans toutes les communes de la province de Gitega, tout en soulignant que le chemin est encore long vu le nombre de personnes vulnérables qui va en augmentant. Une autre aide constituée de pagnes, bidons et savons a été donnée ce mercredi aux femmes âgées. Tout cela a été fait dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la Croix-Rouge et que cette organisation a signé un accord de collaboration avec 6 radios communautaires pour traiter ensemble les émissions sur les violences basées sur le genre. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Parlons musique maintenant. Nous sommes le 11 mai. Et le 11 mai chaque année, les Rasta et les amoureux du style musical reggae commémorent la disparition du roi du reggae Robert Nesta Marley, dit Bob Marley. Avec ses idées basées sur l'unité du peuple du monde, la lutte contre l'exploitation de l'homme, l'indépendance des pays et la liberté, il a sillonné les 5 continents et a été apprécié surtout par les jeunes. Son parcours avec Christian Savier. Rastafari! Bob Marley était un chanteur jamaïcain, auteur, compositeur, interprète, né le 6 février 1945 en Jamaïque. Son nom complet est Robert Nesta Marley. Bob Marley est le chanteur de reggae le plus connu au monde. Il devint une légende de son vivant, puis un mythe après sa mort. Il a réussi à faire connaître à la planète tout entière le mouvement Rastafari et la musique jamaïcaine, dont le reggae. Le père de Bob Marley, se nommait Norvan Marley, était un Jamaïcain blanc d'origine anglaise de 50 ans. Et sa mère, Cedella Marley Booker, était une jeune noire Jamaïcaine de 18 ans. Adolescent, Bob Marley vit à Trechtown, quartier pauvre de Kingston, avec Banuera et Peter Tosh, et chante des cantiques. Et là, il décolle. Avec des chansons qui ont été plus connues comme Hidden, No Woman No Cry, et Redemption Song. Redemption Songs. Il meurt le 11 mai 1981 aux États-Unis, à Miami, en Floride, à l'âge de 36 ans. Voilà, c'était Christian Xavier qui nous décrivait un peu le parcours de Bob Marley. Sachez que les adeptes du mouvement, le rastafarisme et les amoureux de la musique reggae ont organisé des concerts en la mémoire de ce roi du reggae dans différents endroits de la capitale Bujumbura. Je l'avais promis, nous revenons maintenant sur les lamentations des commerçants qui importent des produits depuis la République démocratique du Congo. Eh bien, la commune Mutimbuzi perçoit ces derniers jours des taxes sur les commerces qui entrent dans le pays en passant par cette commune. Cela est décrié par les commerçants qui protestent contre le paiement de telles taxes, aussi bien à la commune qu'à l'Office burundais des recettes OBR. Et cela étant, la loi sur la fiscalité communale n'est pas claire sur la compétence de la commune à percevoir de telles taxes. Alain Désiré Boukayeneza nous rappelle le contenu de la loi fiscale communale. Cette loi sur la fiscalité communale prévoit en premier lieu l'impôt sur le gros bétail où l'ordonnance ministérielle précise la procédure de la mise en fournière. La loi prévoit la taxe sur la vente du bétail due par le vendeur ainsi que la taxe d'abattage. Comme le poursuit la loi sur la fiscalité communale, il est prévu un impôt sur les cycles et les cyclomoteurs, exception faite à ceux destinés à la vente et les propriétés de l'État et des communes. Il est également prévu à ce sujet une taxe due par l'acquéreur en cas de vente. La commune perçoit aussi un impôt foncier en cas de mutation d'une propriété par la suite d'une vente ou pour toute autre cause. Un impôt sur les revenus locatifs est perçu. Un impôt assis notamment sur les bâtiments et terrains donnés en location. Pour tous ces impôts et taxes, la loi précise que les biens des communes et de l'État sont exonérés. Cette loi sur la fiscalité communale prévoit en outre un impôt annuel sur les pylônes. Cette loi ajoute la taxe sur les cultures industrielles. Une contribution de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, est prévue pour le développement communal. La taxe forfaitaire sur les activités est également prévue sans précision. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce habituellement l'actualité internationale, mais c'est le reportage du jour. Les biens des réfugiés burundais des communes de Nyanzalak et Mabanda de la province Makamba ont été généralement protégés par leurs voisins. Certains de ceux qui sont rentrés de l'exil se disent satisfaits, mais il y en a d'autres qui disent qu'ils n'ont rien trouvé dans leur champ et vivent dans la pauvreté. Le chef de colline Mouyangé en commune de Nyanzalak confirmerait les faits. Patrice Niganzoa demande au gouvernement de leur venir en aide. Obin Niyonguru a été à Makamba pour nous. Voici son reportage, il est de retour. Nous sommes sur la colline Mouyangé en commune Nyanzalak de la province Makamba. Il est 11h. Dabahaimana Charlotte tient dans les bras son enfant de 5 mois. Elle vient de rentrer d'un camp de réfugiés en Tanzanie. Elle dit qu'elle n'a rien trouvé dans ses champs et demande de l'aide. Ce que nous avons cultivé avant le départ sont épuisés. Maintenant, dans ce mois de mars, nous retournons. Nous n'avons rien nous aussi. Votre ami nous aidait. Mon mari n'a rien revendiqué. Il a jugé bon d'abandonner. Je n'ai rien trouvé ici. Sauf qu'ils les ont volés, il n'y aurait plus de problème. Dans la commune Mabanda, frontalière avec Nyanzalak, plus précisément sur la colline Moussegni de la zone Guitara, nous retrouvons quelques familles de rapatriés. Ils disent que leurs biens ont aussi été bien protégés, sauf quelques cas de culture endommagés. Nos biens laissés ont été bien gardés. De mon côté, quand je suis retourné, je suis directement parti chez nous pour voir ce que j'avais cultivé. Mais malheureusement, suite au manque d'engrais, c'était séché. Nos maisons ont été retrouvées comme nous les avons laissées, à part nos chats qui étaient abîmés. Ici, le chef de la zone Guitara, Serge Nibayubahe, fait savoir qu'ils tiennent souvent des réunions pour demander aux habitants de cette colline de bien veiller sur les biens des Burundais en exil. Pour la colline Muyange, le chef de cette colline, Patrice Ntigandwa, dit que les familles qui s'étaient exilées dans d'autres pays vivent dans la pauvreté et appellent les décideurs à leur venir en aide. Chaque fois qu'il y a des réfugiés qui rentrent dans les pays, nous produisons des rapports pour que les gouvernements soient au courant et puissent les venir en aide. Je lance un appel au gouvernement parce que, après leur départ, les biens ont été gaspillés et ravagés comme les champs. Il y a ceux qui ont vendu leurs biens pour trouver les déplacements, sauf ceux qu'ils ont laissés ici comme les propriétés, nous les avons gardés. Je lance encore un appel au gouvernement. Nous avons le nombre de ceux qui sont rentrés. Nous allons les transmettre dans des communes pour qu'ils puissent les aider. Pour les élèves qui sont rentrés, les deux autorités locales affirment que les élèves se sont bien réintégrés dans les écoles. De retour de Makamba. C'est la fin de ce journal, il est 13h15 à Bujumbura. Je vous rappelle que l'abbé Adolphe Naondereye, qui prestait la paroisse Gatumba, n'est plus de ce monde. Il est mort hier des suites de traitements que lui ont infligé ses ravisseurs pendant des semaines. Alors qu'une loi portant des taxations de certains produits importés sur tous les vivres est déjà là depuis fin avril, les prix des denrées alimentaires n'ont cessé de grimper. L'opinion se demande pourquoi il n'y a toujours pas de texte d'application de cette loi qui préciserait ces produits. Entre-temps, ministère du Commerce et celui des Finances, c'est le silence média. Et puis nous sommes le 11 mai et le 11 mai de chaque année, ceux qui aiment le style musical reggae se souviennent de la mort du chanteur jamaïcain Bob Marley. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Jean Dodieu Ndaïsenga. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Ne tournez pas le bouton, le programme continue.